ground at JFK. Snow was melting on the ground, and bare sound, I heard a sound of an engine, of an engine. Allez, Tommy. It was a cold and wet December day when we touched the ground on JFK. Snow was melting on the ground, on the outside I heard a song of a man drum, of a man drum. Come on. C'est pas brunello, il est espagnol. Hola, que tal? Chemin entre la vie et la mort, dans le deuxième clos, l'œil du soleil brille encore, une île de lumière, posée sur la mer, vent de liberté, voilà, trop loin pour les emporter, un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent, faut oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. We'll be right back. survivrai. Okay.